elle était juive et comédienne dans un grand théâtre de Vienne. On l'accusa de tous les crimes après l'avoir trouvée sublime. Un soir elle eut de longs rappels, mais le public est infidèle. On l'arrêta parmi ses frères, c'était le soir de la dernière. Mais elle ne fut jamais plus belle que face au monstre du réel. La mise en scène où déliraient des figurants qui se prenaient pour des titans. Devant de pauvres spectateurs désabusés par la douleur, elle secourut les plus meurtries et sut mourir avec génie. Jamais.